J'ai quelques minutes, place de la Bastille. Quatre individus armés ont braqué un fourgon blindé et sont repartis avec plus de 100 millions d'euros. Aucune trace d'eux pour l'instant. On continue nos recherches. Toutes les patrouilles en alerte. Toutes les patrouilles en alerte. Reçu. Yeah. Oh, oh, oh. My box. Yeah. Avec ma baby, faut pas me déranger. C'est mon petit bonbon, je crois que je vais tout manger. Elle a le corps en elle, j'aime trop son déhanché. Garde mes affaires, baby, faut pas me dénoncer. Avec moi, t'es en sécu, y'a plus de danger, t'es en sécu. Avec moi, t'es en sécu, y'a plus de danger, t'es en sécu. Intelligente et sexy, un peu élancée. J'suis pas comme ces flocos, faut pas mélanger. J'ai coffré un peu d'oiré, histoire de voyager. J'donne même plus l'heure au tasse, mais ce soir j'vais rentrer. Il serait temps que j'fonde une famille, j'ai déjà négocié. Un gros paquet d'oseille, la boîte est séquencieuse. Bandit un peu voyou, va pas fréquenter. J'ai zappé l'accessoire, j'm'en veux à l'essentiel. J'aurais gagné du temps si j'avais compris tôt. Mais c'est compliqué la nuit, je rêve de quatre anneaux. Je fais des cauchemars sur mes ennemis, je deviens parano. Mais c'est le jeu. Avec ma baby, baby, faut pas me déranger. C'est mon petit bonbon, je crois que je vais tout manger. Elle a le corps en elle, j'aime trop son déhanché. Garde mes affaires, baby, faut pas me dénoncer. Avec moi, t'es en sécu, y'a plus de danger, t'es en sécu. Avec moi, t'es en sécu, y'a plus de danger, t'es en sécu. Attitude de mauvais genre, à la maison je suis un G, mais bon je sais qu'elle aime ça. Attitude de mauvais genre, à la maison je suis un G, mais bon je sais qu'elle aime ça. Après minuit je suis sorti du Benz, ma chérie fais-toi belle et monte dans la caisse. On se met loin des regards pour compter l'espèce. À l'abri je t'ai mis, je tiens à mes promesses. Pour refaire le monde à deux, j'ai dû me lever tôt. Celui qui se met devant nous, je l'affroidis, j'ai le sang chaud. Ils diront rien en face, ils parleront dans mon dos. J'ai fait assez pour nous, let's go. Avec ma baby, faut pas me déranger. C'est mon petit bonbon, je crois que je vais tout manger. Elle a le corps en elle, j'aime trop son déhanché. Garde mes affaires, baby, faut pas me dénoncer. Avec moi, t'es en sécu, y'a plus de danger, t'es en sécu. Avec moi, t'es en sécu, y'a plus de danger, t'es en sécu. Attitude de mauvais Joe, à la maison j'suis un G, mais bon je sais qu'elle aime ça. Attitude de mauvais Joe, à la maison j'suis un G, mais bon je sais qu'elle aime ça. Attitude de mauvais Joe, à la maison j'suis un G, mais bon je sais qu'elle aime ça. Let's go.